Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Question 37. Du nom d'amour attribué au Saint-Esprit. Le mot amour est un nom propre du Saint-Esprit. En quel sens le Père et le Fils aiment par le Saint-Esprit? 1. Le mot amour est-il un nom propre du Saint-Esprit? Le mot amour, appliqué à Dieu, peut s'entendre de la nature ou de la personne. Dans ce dernier cas, il forme un nom propre de l'Esprit Saint, comme le mot Verbe est un nom propre du Fils. Pour comprendre cela, il faut se souvenir qu'il y a deux processions dans la Trinité, la procession de l'intelligence, qui engendre le Verbe, et la procession de la volonté, qui est la procession d'amour. Pour exprimer celle-ci, on n'a pas trouvé de terme aussi convenable que pour la procession de l'intelligence, qui nous est mieux connue, et nous en sommes réduits à nous servir de certaines circonlocutions quand il s'agit de désigner la personne qui procède. Il est certain que, si la connaissance fait naître dans l'esprit la conception appelée verbe, l'amour produit aussi dans le sujet aimant une impression par laquelle l'objet aimé est en lui comme la chose connue et dans le connaissant. Or, pour exprimer les rapports du sujet aimant avec l'objet aimé, nous avons les mots aimer et chérir, mais nous n'en avons aucun pour marquer l'impression de l'objet aimé sur le sujet aimant, faute de termes propres. Nous appelons cette impression amour, à peu près comme si nous appelions le verbe une connaissance engendrée. C'est pourquoi, quand le terme amour ne sert qu'à exprimer les rapports du sujet aimant avec l'objet aimé, il s'entend de la nature divine, mais quand il exprime le rapport de l'être qui procède par amour avec le principe dont il procède, et réciproquement, il se prend alors pour amour procédant et devient le nom de la troisième personne de la Sainte Trinité. Note. Par là même que le Père et le Fils s'aiment mutuellement, leur mutuel amour, qui est l'Esprit Saint, procède nécessairement de l'un et de l'autre. Que l'on ne dise pas que, si l'Esprit Saint était l'amour même, il produirait un autre amour, car, de même que le Fils ne produit pas un autre verbe, parce qu'il connaît comme verbe procédant, le Saint-Esprit ne produit pas non plus un autre amour, parce qu'il aime comme amour procédant, et non comme faisant procéder l'amour. Fin de la note. 2. Le Père et le Fils s'aiment-ils par le Saint-Esprit? Saint Augustin dit, le Père aime le Fils et le Fils le Père par le Saint-Esprit. Ce n'est pas que le Saint-Esprit soit le principe de l'amour que le Père a pour le Fils et le Fils pour le Père, car le Père et le Fils aiment par leur essence, qui est la bonté divine, on entend seulement que le Père et le Fils, en s'aimant, produisent l'Esprit Saint, comme on dit que le Père s'exprime par son Verbe, en l'engendrant. Le mot aimer, dans le sens où il faut l'entendre pour justifier la parole de saint Augustin, ne signifie rien autre chose que produire l'amour, comme parler et produire un verbe effleurir, produire des fleurs. Note. C'est ainsi que nous disons que l'arbre fleurit par ses fleurs, et que le feu brûle par la brûlure. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.